acculé du pire des handicaps que celui d'être vivant sur terre. Attendant que mon corps dérape pour filer tout droit en enfer. Les filles sont des antidouleurs, Xanax à effet éphémère, qui pète ton crâne et prend ton cœur pour le transformer en cimetière. Elles sont parties, elles partiront toutes, abandonnant ton âme en route. Elles sont parties, elles partiront toutes. Mon ami n'est plus aucun doute. Elles partent toutes. Elle s'en va un peu comme elle arrive, avec une fleur entre les dents. Un peu comme tous ces mecs qui la suivent, gracieux dehors et vide dedans. Et plus t'y crois et plus tu crèves, une lame de couteau sur ta joue. Tu cries, tu pleures, ta haine s'élève, mon gars, tu vas devenir fou. Elles sont parties, elles partiront toutes, abandonnant ton âme en route. Elles sont parties, elles partiront toutes. Mon ami n'est plus aucun doute. Elles partent toutes. Argelès. Elles partiront toutes, abandonnant ton âme en route. Elles sont parties, elles partiront toutes. Mon ami n'est plus aucun doute. Alors oublie et prends la route. Oh, mais personne ne m'écoute, c'est chiant là. Écoutez-moi. Patron, là, vous pouvez pas leur dire qu'ils écoutent ? Oh, c'est chiant. Bon.